qu'il eut ses études, va à la fac. Sa mère est fière depuis que le petit a eu son bac. C'est un crack en matinée. Il bosse le soir à côté. Repense à son frère qui lui un soir est mort d'une OD. Voler de ses propres ailes pour un jour atteindre les sommets. Un but, un objectif, en quelque sorte une barre au placé. Voilà ce qu'il pense, voilà ce qu'il croit jouable. Sortir du trou un jour, quitter ses tours moches et minables. Faut bosser sur la procédure est connue. Aujourd'hui pour gagner la guerre, c'est les diplômes qui servent d'obus. La rue, le mythe du quartier nous a tous coulés. A fait tomber des frères qui le soir aimaient se saouler. Saouler, paver la plage, ici à Clarage. Des tags dans l'ascenseur et des cages d'escalier saccagées. Plus le reste là et plus le paysager. Glauque fade, le rend maladie veut dégager. Faire péter les diplômes et s'épanser en faculté. Lutter pour pas chuter, ne pas finir sur le bas côté. Tu vois ici, la vie ne fait pas de cadeaux. Y'a que des plans à balle 2 et des projets qui tombent à l'eau. Mieux vaut percer à l'école en attendant un changement, des jours meilleurs, la suite des événements. Faut bosser dur, la procédure est connue. Aujourd'hui pour gagner la guerre, c'est les diplômes qui servent au but. Il fonce, se défonce, après les cours il va au boulot. Quand il s'agit de travail, Rachid n'y va pas mollo. Le studieux doit payer le loyer de son studio. C'est un type courageux et qui en plus n'est pas idiot. Il sait quoi faire et comment faire pour voir le bout du tunnel. Y'a pas 36 solutions dans ce monde pourri et cruel. Faire son business avec les moyens du bord. Aujourd'hui dans le tiers car y'a qu'un mec sur trois qui s'en sort. Au coup du sort il croit pas, te dira que le Vaitra est la seule manière pour un jour se sortir de là. Alors il continue et vite, la rue fait de son mieux. Il rêve à de l'espoir, il voudrait voir ses parents heureux. Eux qui n'avaient rien, qui sont venus de loin, qui ont fait des sacrifices pour nous mettre à l'abri du besoin. Rien ni personne ne peut changer le cours de l'histoire, excepté ses diplômes qui lui donneront du pouvoir. Faire péter les diplômes et ses pensées en faculté. Lutter pour pas chuter, ne pas finir sur le bas côté. Tu vois ici, la vie ne fait pas de cadeau. Y'a que des plans à balle 2 et des projets qui tombent à l'eau. Mieux vaut percer à l'école en attendant un changement, des jours meilleurs, la suite des événements. Faut bosser dur, la procédure est connue. Aujourd'hui pour gagner la guerre, c'est les diplômes qui servent d'obus. Ma génération ne se fait guère trop d'illusions. Agis sans remords, agis sans se poser trop de questions. Lui s'en pose quand il voit ses copains sous hypnose. Voudrait bouger les choses et tout exploser. Nous sommes un bouclier donc aux dangers les plus exposés. Ce qu'il faut chez nous, des gars carrés qui deviennent agrégés. Se dégager de la mouise et viser plus haut. Enfin doubler la mise ou pour toujours rester triso. Prisonnier, il préfère raisonner, gaspiller ses forces. Dans ses études au lieu de traîner, rien foutre et bomber son torse. Sa force et son courage, la rage de sortir d'ici. Plus que d'ambition, lui il prend ça comme un défi. Faire péter les diplômes et ses pensées en faculté. Lutter pour pas chuter, ne pas finir sur le bas côté. Tu vois ici, la vie ne fait pas de cadeau. Y'a que des plans à balle 2 et des projets qui tombent à l'eau. Mieux vaut percer à l'école en attendant un changement, des jours meilleurs, la suite des événements. Faut bosser dur, la procédure est connue. Aujourd'hui pour gagner la guerre, c'est les diplômes qui servent au but.